بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنحمد الله جل وعلا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فنحمده جل وعلا على هذه النعم، ونشكره جل جلاله، ونسأله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، donc par la grâce d'Allah, et ça fait partie de ses grands bienfaits, on le remercie et on le loue pour nous accorder ses bienfaits, de nous avoir accordé ses bienfaits. Le bienfait de jeûner en ce mois du Ramadan, de croire en lui, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous a guidés dans sa religion, et ça fait partie des plus grands bienfaits, qu'Allah nous ait guidés dans sa religion et compté parmi les croyants, parmi les soumis à lui, فنحمد الله جل وعلا على هذه النعم. Et parmi les grands bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le fait qu'on puisse se faire le rappel en ce mois béni du Ramadan, et pas n'importe quel rappel, le fait de se remémorer et de se rappeler ces histoires qu'il y a dans le livre d'Allah, dans le Coran, les histoires de différents prophètes et messagers qui ont été envoyés aux hommes pour transmettre la révélation de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est un honneur pour nous de pouvoir parler et d'étudier justement l'histoire de ces envoyés, l'histoire de ces hommes qu'Allah a choisis pour transmettre sa révélation, qu'Allah a élu pour transmettre cette révélation. Et du fait que ces histoires sont des histoires qui comprennent de nombreux enseignements, de nombreuses leçons pour tous les croyants, quelles que soient les générations, quelles que soient les époques, quel que soit le temps, quel que soit le lieu où qu'on vit, on tire profit de ces histoires, on tire profit justement de ce qu'on apprend à travers le récit de ces envoyés, des prophètes et des messagers, des histoires qui sont tiré du Coran. Et donc ça, c'est un grand bienfait de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ » Lorsqu'Allah veut du bien pour son serviteur, alors il lui enseigne, il l'instruit dans la religion. Il l'instruit dans la religion. Donc lorsqu'une personne, il voit qu'il aime l'apprentissage, il aime apprendre la religion, et il voit qu'il apprend, et il assiste soit à des cercles de science, ou bien il écoute des rappels. Et vous savez que c'est avec le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Et donc celui qui veut l'apaisement du cœur, la tranquillité du cœur, celui qui veut une quiétude interne, alors qu'il se fasse le rappel. Le rappel. Pourquoi? Parce que comme nous dit Allah, Jalla wa Ala, Ala bi dhikrillah tatma'in al-quloub. Et c'est avec le rappel, n'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent, une traduction approchée du sens du verset. Donc c'est avec le rappel d'Allah que les cœurs vont trouver cette sérénité, la quiétude et cette tranquillité. Et il n'y a pas aussi meilleur rappel que le fait d'apprendre justement la religion. Donc celui qui voit qu'il apprend, qu'il s'instruit dans la religion, en écoutant des rappels, en écoutant des cours, et bien ça fait partie des bons signes. Puisque lorsqu'Allah Jalla wa Ala veut du bien pour son serviteur, alors il l'instruit, il lui enseigne la religion. Comme nous dit le prophète, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Lorsque Allah veut du bien pour son serviteur, il lui enseigne, il lui instruit, il l'instruit dans la religion. Et des grands savants de notre communauté ont dit, وَبِلْعَكْسِ مَفْهُمَ الْمُخَالَفَ, ce qu'on appelle la compréhension à contrario, si vous voulez, une traduction relative, on peut comprendre le contraire. C'est-à-dire que lorsqu'Allah ne veut pas du bien pour un serviteur, il ne l'instruit pas dans la religion. Il ne l'instruit pas dans la religion. C'est pour cela que si vous voyez que vous avez un iqbal, vous avez ce désir, cette envie d'apprendre dans la religion, sachez que c'est des bons signes. C'est des bons signes. Et lorsqu'Allah veut du bien pour son serviteur, comme on l'a dit précédemment, alors Allah Et bien justement, va faciliter le chemin de l'instruction et de l'apprentissage et de la compréhension de la religion, de la religion. Et en plus, ce chemin-là, le chemin de l'apprentissage et de l'instruction dans la religion, c'est un chemin qui mène au paradis. C'est un chemin qui mène vers le paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un récit célèbre et authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man iltamasa tariqan yaltamisu fihi ilma, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Regardez ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man iltamasa tariqan yaltamisu fihi ilma, celui qui entreprend un chemin en recherchant la science bénéfique, l'ilm, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Allah lui facilitera le chemin, la voie vers le paradis. La voie vers le paradis. Donc vous avez vu le chemin de l'apprentissage, de l'instruction, le fait de rechercher la compréhension de la religion et d'être en quête à la recherche de la science bénéfique, et ben ça, c'est un chemin qui nous mène hein, vers le paradis, puisqu'Allah Jalla, puisque le Allah facilite justement, facilite le chemin menant au paradis, comme nous l'enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Allah lui facilitera le chemin vers le paradis. Et donc ça, c'est le désir, c'est ce que convoite tout croyant convoite cela et désire cela, le fait d'accéder dans les hauts degrés du paradis qui fait partie de la grande récompense de notre Seigneur qu'il a promis et qu'il a réservé pour les croyants. Et donc c'est pour ça que le croyant, lorsqu'il vit ces moments dans cette vie d'ici-bas, ces moments, ces instants d'apprentissage, ces moments où qu'il l'essaye de comprendre, d'accéder à la compréhension de la religion. Alors ça, c'est des moments, c'est des bienfaits qu'il faut donc remercier Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est Allah qui facilite cela. Et c'est Allah qui nous guide vers cela. Combien de gens ont été privés de cela? Combien de gens n'ont pas le désir de cela? Combien de gens n'ont pas cette croyance-là? Donc cette privation-là fait partie des plus grands malheurs dans cette vie d'ici-bas. Pourquoi? Parce que la personne chemine dans l'obscurité, son chemin est obscur, comparable à des ténèbres, et donc il n'y a pas de lumière. C'est un chemin sans lumière. Pourquoi? Parce que la science bénéfique, le savoir bénéfique, illumine. C'est une lumière, et donc illumine les chemins. Et celui qui chemine sans science, sans savoir, celui qui chemine avec ignorance, alors son chemin est obscur, comparable aux ténèbres. Il chemine dans les ténèbres, et donc dans l'obscurité de ces ténèbres. Et donc son chemin n'est pas illuminé. Et donc c'est pour cela qu'il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait d'apprendre cette science bénéfique et vouloir comprendre notre religion, il n'y a pas une meilleure manière d'essayer de comprendre cela à travers donc les récits qui nous sont mentionnés et les passages, les versets qui nous sont mentionnés dans le Coran. Et dans ces récits, donc à travers l'étude des histoires des prophètes et des messagers, à ce moment-là, on pourra comprendre mieux le message de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ces prophètes et ces messagers qui ont été envoyés aux hommes, eh bien, portent justement ce message. Ils portent ce message et ils le transmettent aux hommes. C'est pour cela qu'il est une nécessité pour tous les croyants de connaître justement le message que portaient ces prophètes et ces messagers. En l'occurrence, dans la dernière assise, donc on avait fini le récit de Nuh, alayhi salam, donc on avait en quelque sorte ouvert la porte pour ceux qui veulent ensuite s'approfondir et rechercher et s'approfondir dans les différents récits qui nous sont rapportés concernant la vie de Nuh, alayhi salam, et concernant sa prédication, son appel et sa patience à cela. Donc nous, on a évoqué des choses importantes faisant partie de la vie du prophète Nuh, alayhi salam, certains événements qui se sont produits à son époque, ainsi que certains traits de caractère et du comportement dont était doté Nour, alayhi salam. Et donc on avait fini dans la dernière assise l'histoire de Nour, alayhi salam, en finissant par la mention du déluge. Et on avait fini notre assise, on avait conclu en donnant à titre d'exemple une histoire, on avait raconté, narré une histoire. Cette histoire dont il est fait allusion, comme le disent beaucoup d'exégèses, beaucoup de spécialistes dans l'interprétation, dans la science de l'interprétation des versets du Coran. Comme on a dit, il y a un verset dans la sourate l'Exode, Al-Hashr, où ce verset, beaucoup de savants considèrent qu'il fait allusion à une histoire. L'histoire d'un moine du temps des enfants d'Israël. Et donc, on avait terminé avec la mention de cette histoire. Cet homme qui était l'un des grands dévots de son époque, était une grande référence de dévotion dans son époque. On avait dit, certaines versions stipulent qu'il était dans l'adoration d'Allah pendant 60 ans, d'autres versions disent 70 ans. Pendant 70 ans, il était dévoué dans l'adoration d'Allah. Il l'évitait et s'écartait, s'abstenait de toute forme de désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, et Shaitan ne cessait de ruser, de comploter contre lui pour le duper et le faire tomber dans la désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on avait terminé notre assise avec la mention de cette histoire, et on avait dit, donc justement, beaucoup de spécialistes dans l'interprétation et l'exégèse du Coran, considère que dans la sourate de l'Exode, Al-Hashr, il y a un verset justement qui fait allusion à cette histoire. Donc ces moines, beaucoup disent qu'il s'appelait Barsis. Barsis, donc c'était l'histoire de Barsis. Et on avait conclu notre assise avec celle-ci. Et donc les enseignements qu'il fallait tirer de cette histoire, c'est que à la fin, Shaitan a fait tomber, a fait mécroire. Cet homme qui a voué sa vie à la dévotion, à l'adoration du Seigneur, Shaitan, à la fin, l'a fait mécroire au Seigneur. Et donc, parmi les enseignements qu'on peut tirer de cette histoire, comme on l'avait stipulé, premièrement, ne jamais se sentir à l'abri et penser qu'on est sauvé. Que parce qu'aujourd'hui la personne est guidée, alors il pense que ça y est, il est à l'abri, et donc il va commencer à s'enfler d'orgueil et penser que tout est gagné pour lui. Tant que la personne n'a pas livré le dernier souffle et n'a pas quitté ce monde, il ne peut pas se sentir à l'abri et penser qu'il est sauvé. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger les autres en se pensant mieux que les autres, parce qu'on ne sait pas, comme on dit, hein, l'expression de quoi est fait demain. Wala tadri nafsun. Et dans un verset, il est dit, et la personne ne sait pas ce qu'il obtiendra demain. Il ne connaîtra pas l'obtention, son acquisition de demain. Donc, on ne sait pas. C'est pour cela qu'il ne faut jamais juger les autres en se pensant soi-même à l'abri et sauvé, en pensant qu'on est le meilleur, parce qu'aujourd'hui, on est guidé, parce qu'aujourd'hui, on chemine sur le droit chemin. Il ne faut jamais penser de cette manière. Mais toujours garder cette modestie. Et savoir que al-thabat, la fermeté et la constance, c'est quelque chose qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut implorer Allah, invoquer Allah qui nous accorde justement la constance sur le droit chemin, sur sa religion. Et qu'il nous fasse quitter ce monde, mourir sur sa religion, en étant soumis à lui. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, il nous a rapporté que parmi les invocations que multipliait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ces invocations que disait le plus le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Regardez, Ya muqallib al-qulub, ô toi qui détournes les cœurs, thabbit qulubana ala dinik. Affermis nos cœurs sur ta religion. Regardez, cette demande de constance, de fermeté, Ya muqallib al-qulub, ô toi qui détournes les cœurs, thabbit qulubana ala dinik. Affermis nos cœurs sur ta religion. Cette demande que faisait le prophète, sallam, alors que le prophète, sallam, était l'élu, celui qu'Allah jalla a transmis, a choisi pour transmettre sa révélation, le sceau de la prophétie, le dernier des prophètes et des messagers, le meilleur des hommes, c'est lui, le prophète, sallam, implorer Allah et multiplier cette invocation. Il est rapporté que c'est l'invocation dont le prophète, sallam, parmi les invocations qu'il répétait le plus. Et le prophète demandait à Allah, subhanahu wa ta'ala, donc de lui accorder cette constance sur la religion, de l'affermir sur cette religion. Car c'est Allah, Jalla wa ala, qui détient les cœurs, subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut l'implorer, car Allah nous accorde cela. Al-thabat, la constance. Le but, lorsque la personne est guidée, ensuite c'est de mourir sur cette guidée. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder certains passages dans le Coran, comme il nous a rapporté de Ibrahim, le prophète Ibrahim, alayhi salam, il demandait à Allah, il implorait qu'il le fasse mourir en tant que musulman soumis à lui. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais se sentir à l'abri. Il faut jamais, tant que la personne il n'a pas livré le dernier souffle, il n'a pas quitté ce bas monde, il n'est pas à l'abri. Il n'est pas à l'abri. Et aujourd'hui, des gens qui ne sont peut-être pas guidés alors que lui guidé, peut-être que eux seront guidés, alors que lui demain sera guidé. Alors peut-être une personne aujourd'hui guidée, il voit une personne qui n'est pas guidée, cette autre personne, elle sera guidée, et lui peut-être il comptera plus parmi les guidés. Donc on ne sait pas, il faut jamais se sentir à l'abri et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, dans un immense hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une mise en garde pour chacun, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Regardez dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes, l'un d'entre vous œuvre avec les œuvres, il œuvre, il accomplit les œuvres des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'un bras, une coudée. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. Et le prophète nous dit ensuite, par contre, il œuvra, il accomplira une œuvre des gens de l'enfer, et il y rentrera en enfer. Et le prophète nous dit à l'inverse, et un autre homme, il accomplit, فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Et à l'inverse, une personne qui accomplissait toute sa vie des œuvres, parmi les œuvres des gens de l'enfer, et alors qu'il reste entre lui et l'enfer qu'une coudée, فيسبق عليه الكتاب, فيسبق عليه الكتاب, et ensuite il sera précédé par le livre. Il œuvra avec les œuvres des gens du paradis et il rentrera au paradis. Donc regardez, ce hadith, c'est une grande exhortation. C'est une mise en garde pour tous les croyants. Où le prophète, ensemble, nous regardez, il nous parle de cette personne qui, à la base, qui est guidée. Fayamalu bi'amali ahlil jannah. Il œuvrait avec ses œuvres des gens du paradis. Il accomplissait les œuvres des gens du paradis. Jusqu'à ce qu'il ne restait entre lui et le paradis qu'une coudée, c'était proche. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ. C'est-à-dire que le livre ensuite le rattrape. Il est rattrapé par le livre. C'est-à-dire que ce qui est écrit et ce qui est prédestiné et décrété par Allah le rattrape. Il accomplira donc des œuvres parmi les œuvres des gens de l'enfer et il sera précipité, sera rentré en enfer. Qu'Allah nous préserve. Et à l'inverse, une personne qui n'était pas forcément guidée et qui œuvrait avec ses œuvres, il accomplissait les œuvres des gens de l'enfer. Alors qu'il restait entre lui et l'enfer qu'une coudée, il est précédé par le livre. Et il œuvrera ensuite, il œuvrera, il accomplira les œuvres des gens du paradis et rentrera au paradis. C'est pour ça que la personne ne peut jamais se sentir à l'abri et il ne faut pas sombrer dans le jugement des autres en pensant que on est soi-même le meilleur et que les autres sont forcément égarés, que nous on détient les clés de la guidée, nous détenons pas les clés de la guidée, cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que même les savants, lorsqu'ils nous expliquent ce hadith, il y a aussi une incitation à la sincérité. À la sincérité. Pourquoi? Parce qu'aussi, ce qui mène vers la mauvaise fin, parce que là, c'est ce qu'on appelle sous el khatima, ce qui mène à la mauvaise fin, c'est justement, parmi les causes menant à cela, justement le manque de sincérité. Le fait que la personne, peut-être, qui, d'une manière apparente, est sur la vérité, il œuvre avec ses œuvres de bien, les bonnes œuvres, les œuvres pieuses, ces œuvres des gens du paradis, mais s'il n'a pas été sincère, alors peut-être qu'à la fin, cela apparaîtra. C'est pour cela qu'aussi il y a une incitation à l'insincérité parmi les causes menant vers la bonne finalité. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est la finalité. Comme il nous est dit dans un récit, innal a'mal bil khawatim. Innal a'mal bil khawatim. Les œuvres valent selon leur finalité. C'est comment finira l'individu. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Comment est-ce que l'individu va quitter ce monde? Comment est-ce qu'il quittera ce monde? Quelle sera sa fin? C'est ça, là. Les œuvres valent selon la finalité. C'est la fin qui est prise en considération. C'est pour ça que ça, on doit toujours le garder à l'esprit. Le musulman doit faire preuve de modestie. Il sait que les cœurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les détient, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui accorde la guidée. Et donc, toujours, toujours, il s'en remet à lui subhanahu wa ta'ala. Constamment. Constamment, à chaque moment, à chaque instant, il s'en remet à lui, subhanahu wa ta'ala. Puisque le croyant sait que celui qui accorde la réussite et la vérité, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui accorde cette réussite, celui qui a fermé les cœurs, celui qui accorde la constance et la persévérance dans son adoration, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est Allah qui accorde cette guidée-là. Et comme on parle de guider, et on est en train de traiter ce sujet qui est d'une immense importance, une importance capitale et primordiale pour la vie du croyant et de la croyante, alors là, on va commencer, Inch'Allah, sur l'étude de la vie d'un nouveau prophète, qui était justement un exemple de guider. Un exemple de guider. À lui-même, il représentait toute une nation. Il est le guide pour tous ceux qui viendront ensuite, après lui. Pour toutes ces générations qui viendront, il est un guide. Il est un exemple de guidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait une éloge, comme on verra dans le Coran, qui est inestimable. C'est un prophète qui était considéré, imaginez-vous, comme un ami, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un prophète messager proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, faisant partie des cinq messagers qu'on appelle ulul azm min ar-rusul, parmi les cinq messagers doués de résolution, d'une traduction relative de cette parole. Et donc ce prophète, comme on l'a dit précédemment, est un exemple de guidé. Donc j'ai choisi pour l'étude de l'envie d'un nouveau prophète et messager. Et comme on a dit, comme on parle de guider, tous les prophètes et messagers sont des exemples de guider. Mais là, on va commencer l'étude de la vie d'un nouveau prophète. Et vous avez dû le comprendre. On va étudier la vie de Ibrahim, le prophète Ibrahim Khalilullah, Khalil Ar-Rahman, le Khalil, l'ami intime du miséricordieux, le prophète Ibrahim, alayhi salam. Et pourquoi j'ai choisi l'évocation, ou plutôt qu'on étudie, après la vie de Nuh, alayhi salam, la vie de Ibrahim, et donc qu'on puisse comprendre et qu'on étudie un peu le message qu'a transmis Ibrahim et quel était ce message qu'a porté Ibrahim, alayhi salam. Pourquoi j'ai choisi Ibrahim? Car la cause est la suivante, c'est qu'il y a une similitude et un point commun entre le prophète Nuh, alayhi salam, et Ibrahim, alayhi salam. Que la paix soit sur tous deux, soit sur les deux. Et donc il y a une similitude et un point commun entre le prophète Nuh, alayhi salam, et le prophète Ibrahim, alayhi salam. Et ce point commun, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis la prophétie et le livre dans la descendance de Nuh, alayhi salam, mais aussi dans la descendance de Ibrahim, alayhi salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis la prophétie dans leur descendance. Et il a mis la prophétie aussi bien dans la descendance de Nuh, comme il l'a mis dans la descendance de Ibrahim, alayhi salam. Et il a mis aussi el-kitab. Et ça nous est énoncé dans un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: «Wa laqad arsalna wa Ibrahim». Regardez dans ce verset, donc c'est le verset 26 de la sourate Al-Hadid, le faire. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, nous informe en nous disant: wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab. Nous avons certes envoyé Nuh et Ibrahim et nous avons mis dans leur descendance an-nubuwwata, la prophétie ou le kitab et le livre. Et donc, on a dans ce verset, donc c'était une traduction approchée et approximative du sens de ce verset. Donc, Allah Jalla dit qu'il a envoyé aussi bien le prophète Nuh et Ibrahim, et qu'Allah Jalla a mis dans leur descendance ce qu'on appelle an-nubuwata, an-nubuwa, qui est la prophétie, et al-kitab, le livre. Et c'est pour cela, dans l'interprétation de ce verset, l'érudit Ibn Kathir, faisant partie des spécialistes de ce domaine, nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته. Et c'est pour ça qu'Ibn Kathir, dans son interprétation et l'exégèse de ce verset, il dit qu'Allah nous informe dans ce verset. Donc dans le verset, comme on l'a dit précédemment, le verset 26 de la sourate, le fer, Allah nous informe que depuis qu'il a envoyé Nuh, après lui, il n'a plus envoyé de messager ni de prophète, si ce n'est qu'il faisait partie de sa descendance, sans qu'il fasse partie de sa descendance. Allah n'a plus envoyé de livre ni de prophète sans qu'il fasse partie de la descendance de Nuh alayhi salam. Et de même, après Ibrahim alayhi salam, Khalil ar-Rahman, Allah n'a plus envoyé des cieux. Il n'a plus fait descendre des cieux, comme dit Ibn Kathir. Il n'a plus fait descendre des cieux, ni de livre, ni n'envoyé de messager, ni il a fait une révélation, ni il a descendu une révélation sur un être, sans qu'il fasse partie de la descendance de Ibrahim alayhi salam. Et c'est pour ça qu'on voit que ces deux prophètes ont un point commun. Un point commun, c'est que après Nuh alayhi salam, tous les prophètes messagers qui viendront feront partie de la descendance de Nuh alayhi salam et Ibrahim de même. À savoir que Ibrahim est le père des prophètes. Pour cela qu'Ibrahim, tous les prophètes qui viendront après lui, que ce soit les prophètes qui viendront aux enfants d'Israël, depuis Yaakoub, donc on aura Israël, ensuite il y aura Yaakoub qui sera nommé Israël, donc tous ceux qui viendront ensuite, les fils de Israël, tous les prophètes qui viendront ensuite feront partie des prophètes de Banu Israël. Et cela jusqu'à Moussa alayhi salam, et même jusqu'à Isa alayhi salam, que la paix soit sur lui. Et même le prophète venu chez les Arabes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, fait partie de la descendance de Ibrahim alayhi salam. Et c'est pour cela qu'il était très pertinent et important pour nous qu'on commence à étudier justement cette étude concernant la vie du prophète Ibrahim. Et donc Ibrahim aussi, ce qui est très important, c'est que si vous ouvrez le livre, lorsque vous ouvrez le Coran, vous pouvez constater, observer qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite et mentionne souvent Ibrahim alayhi salam. Et donc dans maintes versets, Allah jalla wa ala fait l'évocation, il mentionne ici Ibrahim. Donc Ibrahim est cité. Donc il y a la citation dans maintes versets du prophète Ibrahim alayhi salam. Et parmi les raisons que de grands savants de notre communauté nous expliquent, une raison très importante, à savoir que les Arabes s'apparentaient à donc Ibrahim alayhi salam, et aussi ils s'apparentaient à sa religion. Et pour cela, كانوا ينتسبون إلى دين إبراهيم العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المشركين كانوا ينتسبون إلى دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. Donc eux, les Arabes à l'époque du temps du prophète صلى الله عليه وسلم, les polythéistes, et même avant, du temps de al-Jahiliya, في زمن al-Jahiliya, كانوا ينتسبون إلى دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. Donc les Arabes polythéistes du temps, par exemple, de al-Jahiliya, pré-islamique, dans la péninsule arabique, eux s'apparentaient, s'affiliaient à la religion d'Ibrahim. Pour eux, malgré leur polythéisme, comme on le verra, Inch'Allah, dans d'autres assises, pour eux, ça ne remettait pas en cause la religion d'Ibrahim et de son fils Ismaïl. Et de son fils Ismaïl, que la paix soit sur tous deux. Donc c'est pour cela que les Arabes à l'époque, les polythéistes arabes du temps pré-islamique, eux s'apparentaient et s'affiliaient justement. Et se disaient de la religion d'Ibrahim et d'Ismaïl. C'est pour cela, parmi les raisons à cela. Donc on voit, les savants nous enseignent qu'il y a beaucoup la mention de ce prophète Ibrahim alayhi salam. C'est pour ça qu'il est très pertinent et important et nécessaire pour nous de comprendre justement le message que portait Ibrahim alayhi salam. Donc on va commencer, inshallah, sur cette histoire qui est immense, cette histoire d'une grandeur inestimable, comme on va voir dans ce qui va suivre, inshallah. Donc pour commencer, on va d'abord parler des mérites et des vertus qu'avait justement ce prophète Ibrahim alayhi salam. Et justement, ces mérites et ces vertus dont était doté Ibrahim, que la paix soit sur lui, Allah Jalla wa Ala nous en a mentionné dans le Coran. C'est pour ça qu'on voit dans différents versets, dans différents passages du Coran, on peut observer que Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, fait l'éloge justement de ce prophète. Et quel éloge? Vous allez voir à travers la mention de certains versets, on va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés à son sujet, c'est-à-dire au sujet du prophète Ibrahim alayhi salam. Avant cela, avant de commencer à évoquer les vertus d'Ibrahim alayhi salam, donc vous avez pu constater que, comme on l'a dit précédemment, dans le Coran, il y a donc la mention de l'histoire de nombreux prophètes. En l'occurrence, l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam. Et l'érudit Ibn Kathir nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a évoqué 25 prophètes. Donc dans le Coran, après observation minutieuse, les grands érudits et illustres savants, et parmi eux Al-Hafidh Ibn Kathir, nous mentionnent que dans le Coran, il y a la mention, la citation de 25 prophètes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allah Jalla wa Ala a envoyé plus de prophètes et de messagers. Allah a envoyé de nombreux prophètes et messagers sur terre, vers les hommes. Mais il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَرُسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ » Allah nous dit « Il y a des messagers dont nous devons réciter leur récit avant. » C'est-à-dire qu'Allah, Jalla wa Ala, il y a des messagers dont il nous a raconté leur récit. Et donc, il s'adresse au prophète en disant « Donc, des messagers dont on t'a narré, raconté leur récit d'avant, « wa rasulan lam naqsusuhum alayk » Par contre, il y a des messagers dont nous t'avons pas raconté leur histoire. Une traduction relative. « Wa kallama Allahu Musa taklima » Et Allah conclut le verset en disant « Et Allah a certes parlé à Moussa, alayhi salam. » Et donc dans ce verset, on apprend qu'Allah Jalla wa Ala nous a informé au sujet de certains prophètes, et donc ils sont cités dans le Coran. Par contre, d'autres prophètes et d'autres messagers, Allah ne nous a pas informés à leur sujet. On en comprend donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans le Coran l'histoire de certains de ses prophètes. Par contre, d'autres prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas enseigné leur histoire et ne les a pas mentionnés dans le Coran. Sinon, le nombre des prophètes et des messagers est grand. Allah a envoyé de nombreux prophètes et messagers sur terre, vers les hommes. C'est pour cela que dans un verset, Allah nous dit « Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut » Et nous avons certes envoyé à chaque nation un prophète pour appeler vers l'adoration d'Allah et à s'écarter de l'adoration du taghut. Et donc Allah, pour chaque nation, il a envoyé un messager. Dans un récit du prophète, d'ailleurs, le célèbre récit de Abu Dharr, le prophète sallam, il est rapporté qu'il est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé 124 000 prophètes et 313 messagers sur terre aux hommes. Donc c'est pour cela que les savants nous disent que Allah Jalla wa Ala a envoyé plus de 120 000 prophètes. Plus de 120 000 prophètes. Et plus précisément, dans certaines versions, il est mentionné 124 000. 124 000. Et pour les messagers, Allah Jalla wa Ala, il est rapporté dans ce récit d'Abu Dharr que Allah a envoyé plus de 300 messagers sur terre. Plus de 300 messagers. Et plus précisément, dans une version du récit, il est dit 313. Et il y a une autre version, aussi il y a la mention de 315. Donc plus de 300 et quelques messagers sur terre. Pour les savants, ensuite les savants ont divergé. Les savants ont divergé sur le nombre de prophètes et de messagers qui ont été envoyés depuis le début de l'humanité aux hommes. Donc certains savants considèrent qu'ils sont nombreux, mais il n'y a pas un nombre exact. Mais il n'y a pas de nombre exact. Mais ils sont nombreux à avoir été envoyés en tant que prophètes et messagers. Donc Allah, Jalla Wala, comme on l'a dit précédemment, envoie à chaque nation des prophètes et des messagers. Sauf que il n'y a pas un nombre précis. Et ça, c'est l'avis de savants, de grands et illustres savants, qui eux considèrent que ce récit mentionné précédemment n'est pas authentique et n'est pas fiable. Donc de ce fait, ils ne peuvent pas mentionner un nombre d'une manière certaine. Pourquoi? Parce qu'ils ne considèrent pas le récit authentique. Et les savants qui jugent le récit authentique, alors ils considèrent qu'il y a eu l'envoi de plus de 120 000. En l'occurrence, comme on l'a dit précédemment, 124 000 prophètes et plus de 300 messagers. Donc ça, c'est pour ceux qui jugent et considèrent que le récit est authentique. En l'occurrence, il nous est rapporté du grand spécialiste Sheikh Al-Albani qui juge le récit bon. Qui juge le récit bon, tandis que beaucoup d'autres savants considèrent que le récit n'est pas authentique, donc il n'y a pas un nombre précis. Et ça, ce deuxième avis, que le récit n'est pas forcément fiable et authentique, et donc il n'y a pas un nombre précis, ça c'est l'avis du Cheikh l'Islam, du grand savant de l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, et c'était l'avis de Ahmed ibn Hanbal avant lui. Et parmi les contemporains, c'est ce qui nous est rapporté de Cheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Par contre, ceux qui sont mentionnés dans le Coran, comme on l'avait dit il y a un instant, eux, on peut savoir, puisqu'Allah nous enseigne donc parmi eux ceux qu'Allah Jalla a mentionnés, évoqués dans le Coran, et d'autres, Allah ne nous a pas mentionnés, ni leur nom, ni leur histoire dans le Coran. Parmi ceux qui ont été mentionnés dans le Coran, comme les mentionne l'érudit al-Hafidh Ibn Kathir, justement, on a dit qu'il en a recensé 25. Donc les savants, les spécialistes du tafsir ont recensé 25 mentionnés dans le Coran. Et lorsqu'on observe dans le Coran, donc il y a la mention de Adam, de Idris, de Nouh, de Hud, de Salih, de Ibrahim, de Lot, d'Ismaïl, de Ishaq, de Yaqub, de Yusuf, de Ayoub, de Shuaib, de Moussa, de Haroun, de Younous, de Daoud, de Suleyman, de Ilyas, de Yassa, de Zakaria, de Yahya, de Isa, alayhim salatu wa salam. Donc il y a la mention de tous ces prophètes que je viens de citer. En plus, il y a aussi Dhul-Kifl. Donc beaucoup, Dhul-Kifl, beaucoup de mufassirines, de savants, considèrent qu'il fait partie des prophètes. Et ensuite, le dernier, le sceau de la prophétie, la mention, il y a la mention de notre prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, wa ala alihi wa sallam. Donc on va maintenant commencer dans l'étude, il nous reste quelques minutes, commencer dans l'étude de la vie de Ibrahim alayhi salam. Et on verra que on va parler d'abord des vertus, des mérites de ce prophète Ibrahim alayhi salam, et ensuite on parlera aussi de sa prédication, de sa da'wa, de son appel. Et on verra, c'est très pertinent parce qu'on verra que l'appel de Ibrahim, sa da'wa se divise en trois étapes. Salat marahil. On verra trois étapes. La première étape, c'est le prêche, son appel à son père, ses proches. Donc on verra que dans le Coran, il est relaté que Ibrahim appela son père à l'adoration d'un créateur unique, d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que celui-ci était façonneur d'idoles. Et on verra qu'ensuite, la deuxième étape, c'était le prêche, l'appel de son peuple, l'appel de son peuple. Et troisième étape, lorsque il y a eu l'appel d'un roi de son époque, de son temps. Et donc ça, on l'étudiera, inshallah, en détail dans ce qui viendra. Premièrement, On voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait l'éloge dans le Coran comme on l'a dit précédemment. Dans un verset, Allah jalla wa ala nous dit « Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin » Allah jalla wa ala nous dit au sujet d'Ibrahim, lorsqu'il le décrit, il dit « Certes, le prophète Ibrahim, kana Ibrahim ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikin » شاكرا لأنعمي اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Et donc Allah Jalla wa Ala nous décrit dans le Coran comme étant premièrement ummatan, umma, aussi comme étant qanita, lillahi hanifan. Donc on a cette description comme étant umma, Ibrahim était umma, il était qanit, il était hanif, wa lam yakun min al-mushrikin. Et Allah nous dit donc qu'il ne faisait pas partie des polythéistes. Pour bien comprendre ce verset, il faut revenir au terme ummatan. Dans le Coran, le terme umma peut avoir différents sens. Donc le terme umma, il peut venir avec le sens de communauté, nation, la umma, la communauté, la nation, mais aussi umma, ça peut venir avec le sens de imam. Imam, guide, exemple. Et donc c'est pour cela que beaucoup de savants Certains savants disent que le sens ici de Umma, c'est Al-Qudwa, ou Al-Imam, ou Al-Imam. Donc Ibrahim kana ummatan, c'était un guide, qanitan lillah, un exemple de dévotion pour Allah subhanahu ou envers Allah jalla wa ala. Hanifan, hanifan, un monothéiste pur. Et il ne faisait pas partie des polythéistes. Il ne comptait pas parmi le nombre des polythéistes. Dans une traduction relative du sens de ce verset. Donc les termes ici, pour bien comprendre d'une manière plus explicite le verset, donc Allah Jalla wa Ala nous dit que Ibrahim était une umma. Et c'est pour ça que umma ay qudwa wa imaman ka qawli Allahi Jalla wa Ala inni ja'iluka linnasi imama. Comme dans un autre verset où Allah nous dit « Inni ja'iluka linnasi imama »« Je ferai de toi pour les gens un guide, un imam. » Un imam. Ici, imam a le sens de guide. C'est pour ça que beaucoup de savants, dans l'interprétation de ce verset, ont dit que le terme « umma » c'est dans le sens de « qudwa », un guide et un imam. Dans le sens d'exemple, guide. Donc, Ibrahim, Allah le décrit comme étant un guide. Et certains savants ont dit qu'on peut aussi interpréter le terme umma par nation. Par nation. Pourquoi? Kana wahdahu ummatan min al-umam. Lijtijma'ihi. Kama la tujad fi ghayrihi. Pourquoi? Parce que certains savants ont dit on peut dire de lui qu'il était une nation à lui seul. À lui seul. Il composait. Il était l'équivalent d'une nation. Kana wahdahu ummatan min al-umami. Listijma'ihi kamalat la tujad fi ghayrihi. Listijma'ihi kamalat la tujad fi ghayrihi. Alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que les savants, ils ont dit à lui seul, il était une nation. Pourquoi? Par rapport à toutes ces natures qu'il a réunies, ses vertus en quelque sorte qu'il a rassemblées, qu'il possédait, ces vertus que personne d'autre ne possédait, que personne d'autre n'a rassemblées. Et de ce fait, certains savants disent, on peut aussi l'interpréter dans le sens qu'il était à lui seul, à lui-même, l'équivalent d'une nation. Qanitan lillah. Allah le décrit en arabe comme étant qanitan lillah. Subhanahu wa ta'ala, ay khashi'an muti'an lahu qa'iman bima amarahu. C'est-à-dire qu'il était un exemple de dévotion, de crainte révélentielle, obéissant et observant justement les ordres de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Qanitan lillahi, c'est-à-dire en arabe khashi'an muti'an lahu qa'iman bima amarahu. Donc il était dans l'obéissance et il accomplissait les ordres et les commandements de son Seigneur. Et cela en étant khashi'a. Hanif, et Allah le décrit aussi comme étant hanif, c'est-à-dire مائلا عن كل دين باطل الى دين الحق. C'est-à-dire qu'il s'écartait de tout mauvais credo, de tout credo faux, de tout dogme faux, vers la religion de vérité, vers la vérité. Donc il s'écartait du faux pour aller vers la vérité. Et Allah nous dit, il ne comptait pas parmi les polythéistes. Ce n'était pas un polythéiste. Shakaran li an'ami. Et par contre, Allah nous dit à son sujet, il remerciait les bienfaits venant de son Seigneur. Et donc, il était connu pour être quelqu'un de fervent dans le remerciement. C'était un serviteur reconnaissant les bienfaits de son Seigneur. Et donc, le remercier. Et donc, lorsqu'Allah dit, et jatabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, c'est-à-dire, wa huwa ibadatullahi wahdahu la sharika la, ala shar'in mardi. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il rendait grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, et Allah l'avait élu et guidé vers une voie de rectitude, en traduction de la fin du récit. Donc, dans ce verset, Allah jalla wa ala nous informe au sujet d'Ibrahim en faisant l'éloge en disant qu'il était une umma et un modèle de dévouement à Allah et un pur monothéiste et qui ne comptait pas parmi les polythéistes. Et il remercie Allah pour ses bienfaits et Allah l'avait élu et guidé vers une voie de rectitude, vers une voie de rectitude. Et ensuite Allah Jalla wa Ala continue en nous disant, nous l'avons comblé de faveur en ce monde et il sera dans l'autre au nombre des pieux. Au nombre des pieux. Comme cela, Allah Jalla wa Ala nous informe dans ce verset. Donc, c'est les versets 120 jusqu'à 123 de la sourate An-Nahl. De la sourate An-Nahl. Donc, on va se quitter sur là, puisqu'on a un peu dépassé dans le temps. Inch'Allah, on va se quitter sur cela. Et la fois prochaine, Inch'Allah, on continuera sur la mention et l'évocation, justement, des mérites de Ibrahim. Et on commencera, Inch'Allah, si Allah nous le permet, l'étude, après cela, après la mention des vertus et des mérites d'Ibrahim, on commencera l'étude, Inch'Allah, sur la vie de ce prophète et sur son appel. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.